Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec France Culture. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à écouter France Culture, à nous suivre. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Merci aussi pour les mots que vous nous envoyez. Un autre jour est possible, plus que jamais. Nous sommes le lundi 23 novembre. 10 jours après les attentats qui ont ensanglanté Paris, comment sortir de la sidération, de la terreur, de l'angoisse? Quels mots choisir, utiliser pour exprimer nos sentiments, nos désarrois? Et quels remèdes envisager? Toute cette semaine avec nous, Toby Nathan, ethnopsychiatre et écrivain, pour répondre à ces questions. Et puis en deuxième partie, je recevrai Élise Bogossian, qui témoigne de son combat, elle, qui va soigner en zone de guerre, sortie de son livre « Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver » chez Robert Laffont, cette semaine. Un autre jour est possible, c'est parti. Choc, trouver les mots, chercher les remèdes avec Toby Nathan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous toute cette semaine. Et aujourd'hui, premier épisode, le sens des mots pour une clarification. Je crois qu'il faut distinguer trois mots qui existent dans notre langue hein, et qui sont qu'on peut invoquer pour quand il se passe des choses catastrophiques comme ça. Ces trois mots, ce sont la peur, la frayeur, la terreur. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris il y a des jours, ce vendredi 13? Je pense que je vais essayer de l'expliquer, je vais essayer d'expliquer pourquoi je pense ça. C'est une tentative de semer la terreur, en fait. C'est véritablement comme ça qu'il faut comprendre la stratégie des gens qui ont fait ce qu'ils ont fait il y a 10 jours. Alors, d'abord, il faudrait comprendre de quoi nous parlons. La terreur, c'est une émotion qui est au-delà de... C'est pas une émotion. C'est même pas un sentiment, c'est quelque chose qui est au-delà du sentiment et de l'émotion, c'est quelque chose qui est comme une vague déferlante qui s'empare de tout l'organisme et qui le paralyse. Et c'est pas comment on ne l'éprouve pas. On n'éprouve pas la terreur. On est envahi, on est jeté au sol, on est atterré, le mot vient de là, atterré quoi, jeté au sol. Il s'agit pas je vous disais donc d'un phénomène élaboré, c'est un phénomène archaïque qui ressemble au fond à des choses qui existent dans le monde animal. Vous voyez quand par exemple certains animaux se figent dans une position comme s'ils étaient morts, et pour donner l'illusion de la mort en fait. Par exemple les araignées font ça, elles se recroquevillent, on a l'impression qu'elles sont mortes, en fait elles miment la mort, mais elles miment. Je ne sais pas si elles ne le font pas volontairement, bien entendu. C'est quand elles sont prises de terreur, elles miment la mort pour ne pas mourir, peut-être, aussi. Quelque chose comme ça. La terreur, il faut bien la distinguer. La terreur, ce n'est pas la frayeur. C'est pas la frayeur. La frayeur qui intervient comme un coup, comme un coup brutal. D'ailleurs, c'est dans l'étymologie du mot. Hein. La frayeur en français, ça vient probablement du latin frigidus. Ça veut dire... Le froid, parce qu'on dit que la frayeur glace les sangs. C'est comme ça qu'on disait. Mais c'est vrai que tout d'un coup, on a les extrémités gelées, quoi, quand on est effrayé. C'est un coup porté à l'âme, on va dire. Par exemple, vous savez comment on dit en espagnol ? On dit susto, susto. Susto, ça veut dire c'est le sursaut, quoi. Le sursaut, c'est parce que quand on est effrayé, on sursaute. Et on a l'impression que dans ce sursaut, il s'est passé quelque chose. Susto, ça veut dire, dans ce sursaut, l'âme s'est échappée et le corps est resté comme ça, inanimé, comme s'il était devenu un corps-machine. Asustado, ça veut dire à la fois effrayé et à la fois atteint d'une maladie qui ressemble à la dépression, c'est-à-dire le corps vidé, quoi, le corps vidé de son âme. Est-ce à dire, Toby Nathan, que l'esprit ne peut plus rien ? Alors, la terreur, quand la terreur intervient, l'esprit ne peut plus rien, le corps ne peut plus rien non plus. Et c'est précisément à ce moment-là, on est une sorte de zombie, et on est en fait un captif, en fait. La terreur, c'est ça qui fabrique l'esclavage. C'est-à-dire que on terrorise les gens, ils sont devenus incapables d'une volonté et d'un mouvement. À partir de ce moment-là, ils deviennent des captifs potentiels. Après, on passe et on les capture, en fait. Hein. C'est une stratégie délibérée. Il est indispensable de comprendre qu'on est victime d'une terreur pour pouvoir identifier la personne qui est à l'origine de cette terreur et pour identifier sa stratégie. On sort de la terreur en comprenant la stratégie de l'adversaire, en fait. Et donc, il faut déplier cette stratégie. Il ne s'agit pas de raconter son émotion, et je suis assez hostile à ces situations où on fait parler les gens qui ont été terrorisés. Je suis assez hostile parce que je pense que c'est inutile, et parfois même, ça replonge les gens dans la souffrance qu'ils ont vécue. C'est vrai que les gens qui ont subi une terreur ont envie de parler, ont besoin de parler. Et c'est un peu l'avis des psys, généralement, de dire aux gens ouais, de... Oui, mais c'est de pas le mien. Ouais. C'est pas le mien. Et pourquoi, Toby Nathan ? Je suis pas le seul, hein, dans ce cas-là. Je veux dire, les gens qui sont spécialisés dans la prise en charge de victimes du terrorisme, précisément, ont en plus tendance à dire qu'il faut pas faire parler les gens trop. Parce que, en fait, chaque fois qu'il se remémore l'événement, la violence de l'événement se recommence quasi intacte. Et en fait, on fait comme si on reproduisait la terreur, en fait, en les invitant à reparler. Il faut, au contraire, leur expliquer. L'intelligence est quelque chose de fondamental pour sortir de la terreur. C'est donc pas une cure par l'émotion qui est nécessaire, mais une cure par l'intelligence. C'est-à-dire pas par le partage, parce que généralement on dit plus... Le partage aussi, oui. Le partage si on aussi. Partage cette expérience, c'est alors, moins douloureux, parce que la personne traumatisée par cette terreur peut se sentir mieux de partager cette expérience. Alors, c'est le partage, c'est pas le partage au sens où on partage avec un thérapeute qui vous écoute. Non. On partage avec des gens qui ont vécu la même situation. Ça, c'est important. C'est-à-dire, on met des gens en groupe qui ont vécu soit la même situation, soit des situations semblables, et on leur fait raconter précisément pour remonter jusqu'à l'intention. Comment ils procèdent? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi ils ont crié à ce moment-là? Pourquoi ils ont mis une partie des gens dans un coin et une autre partie dans un autre coin? Pourquoi ils ont tiré en l'air? Et ainsi de suite. Tous ces éléments-là, eh bien, on les déplie comme ça par des gens qui ont vécu la même expérience. Ça, oui, c'est très important. Et ça, c'est un partage. C'est pour bien comprendre qu'on n'était pas soi, en tant que personne, la cible. C'est soit en tant qu'on était là ou qu'on faisait partie d'un groupe qu'on voulait cibler. Ce qui est le cas des événements qui se sont passés. Les deux sont vrais. C'est-à-dire, c'est des gens qui étaient là, mais c'est aussi des gens qui partagent cet art de vivre, on va dire, qui est la jeunesse mélangée, qui vit dans le 11e arrondissement, qui aime aller écouter des concerts de musique moderne, en fait. Cette jeunesse-là, c'est toute cette jeunesse qui était visée. Il y avait une cible, non pas des personnes en tant que personnes, mais des personnes en tant qu'elles appartiennent à un groupe. Et ce groupe-là, il faut le matérialiser. C'est vrai que retrouver des gens en groupe, les mettre tous en groupe, qu'ils puissent partager cette expérience, leur fait prendre conscience qu'ils n'étaient pas visés en tant qu'individus, mais en tant que membre d'une collectivité, en fait. Et ça, il faut le faire tout de suite après le choc, où il faut laisser un peu plus de temps. Plus vite est le mieux. Mm-hmm. Le plus vite est le mieux, parce que sinon les choses s'organisent. Vous savez, c'est comme la douleur. Il ne faut pas laisser s'installer la douleur, parce que ça vous fait prendre des attitudes mauvaises quand même. C'est-à-dire, si vous avez mal à l'épaule, par exemple, vous allez éviter de faire certains mouvements. Puis le fait que vous évitiez de faire certains mouvements va faire que ces muscles-là vont dégénérer. Ouais. Je veux dire que la thérapie qui a été beaucoup prôné pendant une longue période, c'était la notion de catharsis, en fait. Oui, c'est-à-dire exact. Qu'il faudrait purger l'organisme d'une émotion très très intense et qu'il faut la dégager, cette émotion. Et ça, je pense que c'est une erreur, parce que ça fonctionne pas comme ça, les personnes ne fonctionnent pas de cette manière. Ce sont pas des cocottes minutes, les personnes. C'est pas qu'elles ont accumulé de l'émotion et qu'il faut qu'elles se débarrassent de cette émotion. C'est absurde de voir les gens comme ça. Les gens sont des systèmes complexes, des systèmes intelligents et émotifs à la fois entremêlés. Les deux sont entremêlés et qu'il faut au contraire les aider à déployer ce qui leur est arrivé au travers de l'intelligence. Et l'intelligence de la situation, c'est comprendre qui a fait ça et dans quelle intention. Et quand on comprend l'intention de l'adversaire, à ce moment-là, et qu'on sait qu'on est un membre d'une collectivité, à ce moment-là, on sait qu'on pourra répondre collectivement par une intention adverse. Et à ce moment-là, imaginer des stratégies. Mais quelqu'un qui a subi quelque chose comme ça ne sort jamais indemne. Hein. On ne croyait pas qu'on reviendra à l'état antérieur. La seule façon de sortir de ça, c'est qu'on devient après une sorte de témoin, en fait. Ce ne sont plus des victimes. À partir du moment où elles sont devenues expertes, parce qu'elles ont compris ce qui leur est arrivé, et comme elles étaient aux premières loges, elles sont capables de reconstituer l'intention pratique de l'adversaire. Comment on fait pour terroriser quelqu'un? C'est quoi la technique? Comment on met en œuvre une telle technique? Ils sont devenus experts de ça et ils peuvent témoigner après. Toby Nathan, merci. Vous êtes avec nous toute cette semaine pour nous parler des mots qu'il faut chercher, qu'il faut trouver, et des remèdes après le choc. Mais vous restez avec nous en deuxième partie. Dans un instant, on reçoit Élise Bogossian. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel. Entre deux villas cossues, l'enfant du sommeil s'est échappé. Et notre invité du jour, Élise Bogossian, sort un témoignage chez Robert Laffont au Royaume de l'Espoir. Il n'y a pas d'hiver. Soignée en zone de guerre. Bonjour Élise Bogossian. Bonjour. Vous soignez en zone de guerre. Vous êtes spécialiste de l'acupuncture. Vous avez fait des études de neurosciences avant. Et puis après, vous êtes allé suivre un doctorat de médecine chinoise. Et vous avez décidé d'aller soigner les gens dans des zones en guerre. Et vous racontez ça dans ce livre, témoignage vraiment poignant. Vous racontez par exemple ce que vous avez fait en Syrie. En Irak. Oui, Oui, oui, en Jordanie, plus particulièrement pour la Syrie, pour les blessés syriens. Oui, parce qu'il y a, voilà, il y a un camp immense que vous décrivez, c'est-à-dire assez terrifiant quand vous décrivez ce camp de réfugiés. C'est un des deux plus grands camps au monde. C'est un camp grand comme une ville qui s'est organisé, qui a réinventé ses codes. Et oui, j'ai eu la chance, parce que les étrangers n'avaient pas accès facilement à ce camp-là, de pouvoir travailler auprès des réfugiés. Et je me suis associée à des équipes militaires, puisque je travaillais sur la prise en charge de la douleur, notamment la douleur des blessés avec des douleurs chroniques dues aux amputations le plus souvent. Et donc j'ai pu, oui, travailler dans ce camp-là, et c'était assez impressionnant. Oui, ça reste une expérience très marquante. Alors, vous expliquez aussi dans ce livre pourquoi vous vous êtes engagé. Hein, et vous dites, la Syrie, cette terre où mon grand-père a été déporté avec des milliers d'autres civils lors du génocide perpétré par les Turcs sur les Arméniens, c'était déjà dans votre mémoire. Écoutez, moi, j'ai cette chance-là d'être née en France, cette chance d'être en sécurité, de n'avoir jamais eu faim, d'avoir toujours été soignée lorsque j'étais malade. Mes parents étaient des immigrés qui sont venus s'installer en France après la guerre du Liban, pendant la guerre du Liban. Et c'est vrai qu'il arrive un moment dans votre vie où vous construisez votre vie, vous avez vos enfants, votre mari, vous installez votre activité professionnelle, vous vous ancrez. Et puis à ce moment-là, vous êtes un petit peu rattrapé parfois par votre histoire, vos racines, vos origines. Et comment on est rattrapé justement, Élise Bogossian ? Par des scènes d'actualité, par ce qui se passait en Syrie, ça m'a vraiment touchée. Et puis ça arrivait autour du centenaire du génocide arménien. Et je me suis dit, c'est pas possible de rester sans rien faire. C'est pas possible en tout cas de continuer à être victime et passif et de subir son destin de plein fouet. Et puis j'avais toujours cette sensibilité-là, à travers le soin en tout cas et l'écoute que je peux apporter aux gens qui souffrent, en tout cas de pouvoir croire que je pouvais être utile. Et lorsque cette perspective de pouvoir partir sur des terrains de guerre, en tout cas proche des terrains de guerre, j'ai eu très très envie de le faire. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'énergie pour essayer de m'intégrer aux équipes locales. Et aujourd'hui, on a des équipes sur place qui tournent très bien. Et c'est vrai que pour ça, je suis assez heureuse en tout cas d'arriver moi à cette période-là de ma vie où je peux aussi tendre la main et être utile aux autres, même si c'est qu'une petite goutte d'eau. En tout cas, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Alors, un des grands avantages de l'acupuncture est qu'elle nécessite un matériel peu coûteux, vous le dites, simple à transporter et à transmettre. Avec quelques boîtes d'aiguilles d'un poids total de 500 grammes, on soigne une centaine de personnes. Mais quand vous dites une goutte d'eau, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire soulager la douleur pour un moment ? Pour un court moment ou... Non, l'effet de l'acupuncture est durable. Quand je dis une goutte d'eau, c'est parce que, si je prends l'exemple de l'Irak actuellement, on a plus de 2,5 millions de réfugiés et de déplacés. Il y a quelques ONG sur place qui travaillent et la tâche, les besoins, les nécessités, les demandes sont gigantesques. Et c'est écrasant. Et chaque jour, on est devant ce sentiment qu'on n'a pas fait assez parce qu'on est obligé, lorsqu'il arrive l'heure de fermer la porte du dispensaire et qu'il y a encore des centaines de gens qui attendent des soins, on est écrasé par ce sentiment que ce n'est pas assez. Et ça, c'est difficile aussi parce que même si ce qu'on fait marche et fonctionne et soulage des dizaines, des centaines, des milliers de gens, ils sont plusieurs millions dans cette situation. Donc ça, c'est vrai que c'est... À cet endroit-là, quand je dis c'est une goutte d'eau, oui, c'est pas grand-chose. Et par rapport au poids léger, au matériel que représente l'acupuncture, c'est vrai que ce qu'il faut savoir sur ces terrains-là, c'est que, à part le problème de l'accessibilité aux soins, il y a parfois des trafics autour des médicaments. On a beaucoup de médicaments falsifiés, ils ne sont pas toujours accessibles. Et sur des problèmes de douleur et d'infection, l'acupuncture est une alternative très efficace et on a des résultats très rapides. Et pour ça, et c'est pour ça qu'on a formé des équipes sur place, on est très heureux en tout cas d'avoir pu apporter ce complément-là à la prise en charge médicale des gens, pouvoir les soigner avec l'acupuncture. C'est vraiment la nouveauté, la richesse. Pour moi, ça fait partie Ça fait partie d'une approche d'un traitement, de prise en charge dans l'humanitaire. Et puis surtout, très efficace. Ça répond au stock de médicaments qui sont limités. Tout à fait. Et puis, il n'y a pas les problèmes d'effets secondaires sur les enfants, par exemple. On ne peut pas leur donner éternellement de la morphine. On peut pas. Ils ont une espèce de millefeuille d'effets de douleur dus aux opérations, aux effets secondaires des médicaments, aux douleurs post-opératoires, si c'est une amputation, la douleur au niveau du site cicatriciel, puis après vous avez la douleur des membres fantômes, tout ça, qui s'additionne et qui rendent le quotidien, qui transforme le quotidien en cauchemar. Et c'est vrai qu'avec l'acupuncture, ils retrouvent de l'appétit, ils ont moins mal, et petit à petit, on peut aller plus loin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour la prise en charge de la douleur, c'est pas très très difficile de former nos médecins sur place. C'est une pratique qui s'est installée très bien dans les camps, même si au départ on nous regardait avec des grands yeux, on se demandait qu'est-ce que c'est que ces aiguilles, qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur. En tout cas, on a aujourd'hui des patients qui répondent de plus en plus présents, qui se ruent devant notre dispensaire, même si on ne fait pas que ça. Hein. Mais sur l'acupuncture, c'est 15% de nos soins, 15-20% de nos soins. En tout cas, on a une vraie demande maintenant. Élise Bogossian, Toby Nathan est avec nous et il sera avec nous toute cette semaine pour nous dire l'importance des mots après le choc, trouver les mots justes pour exprimer nos sentiments, notre état traumatisé. Vous, est-ce que vous avez des problèmes justement pour trouver les mots, pour parler à ces gens qui habitent dans des camps de réfugiés en Jordanie ou à la frontière turque avec la Syrie. Comment trouver les mots pour rentrer en contact avec les gens, pour comprendre leur douleur Là où on a le plus de difficultés, vous parlez de mots et de dialogue, c'est avec les anciens victimes des tortures. On a recensé à peu près 2000 femmes qui ont été des anciennes esclaves. Des femmes qui ont eu leurs enfants enlevés. On a à peu près 500 enfants qui ont subi des mutilations. Et ce qui est très difficile avec ces femmes-là qu'on a recensées, vers lesquelles on se déplace avec nos dispensaires mobiles, c'est de trouver la bonne attitude. Parce que ces femmes-là ne peuvent pas parler. Elles sont revenues dans leur société, entre guillemets, hein, quand je parle de société, vous parlez, c'est des camps, des squats, des déchetteries dans lesquelles elles vivent. Mais en tout cas, elles ont retrouvé, entre guillemets, leur famille qui ne les reconnaît pas. Et ça, c'est très difficile parce que, d'abord, elles ont servi d'armes, d'outils de guerre à travers l'usage sexuel. Elles ont été complètement détruites, même si elles sont vivantes, elles auraient préféré mille fois mourir. Et aujourd'hui, elles vivent dans des conditions telles où elles ont retrouvé leurs frères, leurs enfants, leurs maris, et où elles doivent faire face à ce qu'elles ont vécu. Et en même temps, c'est une société, l'Orient, bon, où la psychologie des mots n'est pas la même que chez nous. Toby Nathan, puisque c'est tout à l'heure, vous connaissez très bien cette région, vous êtes, je le rappelle, originaire d'Égypte. Oui. Est-ce que vous voulez répondre à ces questionnements d'Élise Bogossian? C'est plus des réponses, et je suis d'accord avec ce qu'elle dit. J'ai vu hein, des femmes comme ça, quand elles reviennent chez elles, elles sont des fantômes. Quoi. C'est la honte. Hein, il y a même chez les Yézidis, notamment lorsque les femmes reviennent et qu'elles sont enceintes, c'est la honte. Parfois, il y a des crimes commis par la famille. Parce que ces femmes-là, elles représentent une honte. Et en même temps, elles sont le lien social, les femmes, puisqu'elles sont mères, elles sont sœurs. Mais aussi le témoin de la terreur. Elles sont témoins. Mm-hmm. Elles sont témoins. Et en même temps, trouver les mots, parler pour parler, parfois ça amplifie et ça augmente la douleur, la mélancolie, la dépression. C'est ce que disait Toby Nathan. Ouais. C'est très difficile de trouver la bonne attitude, c'est-à-dire... Et le bon moment. Le bon moment, le moment où on va vous en dire suffisamment pour que vous soyez efficace dans le soin. Mm-hmm. Et le moment où ces gens-là ont envie de s'ouvrir à vous, qui n'êtes pas de leur culture, pas de leur religion, pas de leur pays, qui ne savaient pas ce que c'est. Parfois, je m'aperçois que je fais beaucoup les choses à l'instinct. On se retrouve dans des situations qu'on n'a jamais vues. Des familles, des mères qui ont mon âge, qui ont leur enfant enlevé, je vais vous dire, j'en croise pas à Paris. Donc, c'est vrai que, est-ce que on a cette empathie-là, ou cette force, cette capacité de se mettre à la place de l'autre, donc on entend sa souffrance, et puis quand elle vient, serait-ce pour un problème d'ulcère, ou de migraine, ou de salpingite, on est capable de la traiter à travers sa douleur physique, de traiter autre chose de plus profond, de traumatique, mais En tout cas, on essaye avec l'équipe qu'on a constituée, parce que j'ai vraiment mis un... Enfin, j'ai eu très à cœur que nos équipes locales, les médecins qui travaillent pour nous, soient tous des médecins réfugiés. Donc, ce sont des gens qu'on a fait sortir des camps et qui aujourd'hui ont retrouvé une espèce de dignité. Je ne sais pas si on est à la hauteur, mais ce sont des gens en tout cas qui sont, je trouve, très capables de comprendre cette douleur-là et ils nous aident beaucoup à avancer, à nous améliorer. Pour ça, on a une équipe qui est intéressante dans la mesure où, avec des médecins yézidis, des médecins syriens, des médecins chrétiens, des médecins musulmans, on a mélangé toutes ces cultures-là. Ce sont tous des gens qui savent ce que ça veut dire être un réfugié, être un déplacé. Et lorsqu'ils sont face à des malades, des enfants, des personnes âgées, qui sont soit de leur village, soit de leur culture et qui parlent dans la même langue maternelle, on arrive à passer des frontières, à passer des lignes blanches qu'on ne pourrait pas nécessairement faire si on était trop loin de ça. Et on arrive à entrer dans une forme d'intimité, qu'elles nous y invitent. Ces femmes-là, par exemple, elles nous y invitent. On ne force jamais. Moi, j'ai des témoignages qui me viennent alors que je ne pensais pas que ces femmes-là avaient vécu ça et ils viennent vers nous. Et on essaye comme ça d'apporter une prise en charge globale. Alors nous, avec les dispensaires mobiles, parce que c'est ce qu'on a choisi de faire, il faut savoir qu'en Irak, il n'y a que 9% des personnes qui sont arrivées qui ont pu intégrer les camps. Il n'y a pas de place dans les camps et vous avez 90% des réfugiés qui vivent dans des espèces de squats, des déchetteries, des bâtiments en construction, des centres désaffectés, des espèces de bâtiments en construction, des écoles, des choses comme ça. Et vous ne baissez jamais les bras, c'est ce qui est poignant dans votre témoignage, Élise Bogossian. Toutes les questions, vous les posez, vous continuez à vous les poser, mais dans l'action, c'est-à-dire pendant ce temps-là, il faut faire quelque chose. Il faut parler de votre association, l'association Shennong et Avicenne, du nom des deux figures emblématiques de la médecine chinoise. Et personne. C'est grâce à cette association que vous organisez justement ces séjours avec des bus dans ces zones de guerre. Élise Bogossian, au Royaume de l'Espoir, il n'y a pas d'hiver, soignée en zone de guerre, c'est édité chez Robert Laffont. Merci d'être passé ce matin. Merci. C'est vrai que notre association ne vit que grâce à ses donateurs. Et c'est vrai que chaque don qu'on reçoit nous permet de tenir un petit peu plus et c'est très... Et pour tout savoir sur votre association, les contacts... Tout est sur le site de l'association. Oui. Et un lien est partagé à la page de l'émission Un autre jour est possible sur franceculture.fr. On se retrouve demain, Toby Nathan. Oui, avec plaisir. Belle matinée tout le monde. Merci dans un beaucoup. Instant, merci à vous surtout merci, d'être venu. C'était Un autre jour est possible, préparé avec Anaïs Isbert, réalisé par Thomas Duterre avec aujourd'hui à la technique Bastien Varigaud. Émission que vous pouvez réécouter en passant par le site de France Culture. Belle matinée, dans un instant, le développement de l'actualité. On se retrouve demain.